Bonjour, bonjour à tous, à toutes, pinodiens, pinodeurs de la terre, du ciel et d'ailleurs. C'est Cargo Culte et nouveau générique. Secondes de bonheur, ou alors de torpeur absolue. Quiconque a grandi dans les années 70 ou 1980 doit être terrifié par ces quelques notes qui sont extraites de la bande-son des Envahisseurs. David Vincent qui voit les extraterrestres, mais il est le seul à les voir, et paf, 30 épisodes comme ça. Enfin, quelque chose près. Donc voilà, alors ceux qui ont grandi dans les années 90, ouais, vous n'avez pas eu ça, vous avez eu Hélène et les garçons. Génération sacrifiée. Enfin, restez quand même. On va faire un lien assez direct finalement avec ce qu'on passait la semaine dernière. Sœur Jeune, rappelez-vous, techno-martial, totalement binaire, féroce mais pleine de groove aussi, enfin quelque chose comme ça d'essentiel et finalement minimaliste. Et dans cette veine d'un espèce de minimalisme techno, voire post-techno, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin avec le disque du jour, celui de SND. On a le droit de dire SND au français. Binôme d'origine de Sheffield et pourfendeur d'une des plus jolies, d'une des plus fines musiques electronica. C'en était peut-être même un des secrets les mieux gardés finalement à l'aube des années 2000. Et en même temps, grand pourfendeur du style glitch click and cut. Voilà. Alors, ça n'a jamais été très connu, SND. Et en même temps, on fait partie de ces groupes duos qui ont toujours quand même été là. Hein. Et d'ailleurs, ils sont toujours là. En tout cas, au moins la partie la plus importante du binôme. Donc oui, je vous le disais, ces deux gars, Mark Fell et Matt Steele. C'est une paire de DJ, DJ musicien de Sheffield. Mais finalement, le plus important, c'est qu'ils sont des programmeurs, en fait. Sont des vrais programmeurs informatiques. Et en cela, à eux tout seuls, et plus quelques autres quand même, ils vont incarner cette génération geek qui va prendre le pouvoir, armée de laptops et de compétences totalement haut de gamme et en même temps dévoyée quant à la manipulation des sons, des fichiers audio et tant d'autres. SND, d'ailleurs, il faut s'en rappeler, c'est le nom même d'une extension, des toutes premières extensions de fichiers audio numériques avant que le format WAV, IFF ou d'autres s'imposent. C'était le format SND qui faisait loi. Donc il y a évidemment ce clin d'œil, pas appuyé du tout chez SND, sur une histoire de la culture numérique, mais on peut probablement déjà penser une contre-histoire, une contre-culture justement de cette culture numérique. Et quand bien même les notions d'archéologie des médias ne sont pas encore dans l'air, finalement, Mark Fell et Matt Steele sont clairement dans ce camp qui va germer après les années 2000 et être peut-être encore plus présent dans les années 2010-2020. Mark Fell, c'est quelqu'un qui d'ailleurs aujourd'hui est toujours de front, mais qui a délaissé finalement ce qu'on pourrait appeler une forme de mainstream discographique pour s'intéresser aux installations sonores, tout clairement à l'art sonore. Chemin qu'on va de go expliquer en remontant un petit peu aux origines de ce duo qui laisse trois albums. Enfin, c'est très dur à compter parce qu'il y a des albums officiels. Alors, officiels sur effectivement un label assez tutélaire qui est le label Mille Plateaux, label allemand, qui pour le peu à lui tout seul va être effectivement le dépositaire de cette culture glitch, click and cut. Mille Plateaux, c'est d'ailleurs les pères d'une série de compilations qui s'appelle Click and Cuts. C'est des compilations à triple compilation. Il y avait deux ou trois CD dedans. Il y avait trois heures de musique allègrement. Et sur une série comme ça qui doit compter cinq volets, quoi. Et alors, pour rappel, puisqu'on parle un petit peu de cette série-là, on y trouve effectivement les très très gros fondamentaux du genre. SND était loin, c'était pas du tout le plus connu, mais enfin voilà, on y trouvait Alvan Otto, Vladislav Delay, Panasonic, Kit Clayton, etc., etc., etc. Je fais la liste, on n'a même pas fini dans 5 minutes. Voilà. Donc, label allemand, mais qui fédère des orientations finalement totalement internationales. Mais dans cette esthétique, qui, il faut le dire, n'a pas encore de nom à ce moment-là. Même le mot laptop musique n'est pas complètement acté. Et c'est marrant puisque finalement j'ai promis à au moins un de nos auditeurs d'être un peu geek aujourd'hui, donc je vais l'être tout de suite, comme ça je remplis un petit peu mon contrat, n'est-ce pas, Y ? C'est bien de savoir que les gens écoutent bien. Le groupe commence en 1998. Et en fait, en guise de premiers essais, premiers albums, c'est sur leur propre label qui s'appelle aussi SND que le groupe va laisser des choses. Et très vite rejoindre 1000 plateaux dans la foulée cette année-là. C'est fait partie des premiers utilisateurs d'un laptop, mais très particulier. Un laptop, j'ose la traduction aujourd'hui, donc, que tout le monde connaît, c'est ordinateur portable. En 2000 et en 2002, quand on va sortir le disque auquel on s'intéresse aujourd'hui, laptop, c'est pas un nom si commun que ça. Ça va le devenir vite, mais ça n'est pas là. Et il y a un laptop qui fait loi. Alors pardon de faire de la promotion à rebours, mais là c'est de la rétro-archéologie des médias. C'est celui qui initie Apple, bah oui ils étaient là hein, quand même sur le coup, avec un ordinateur portable prénommé le PowerBook Wall Street. Ouais, c'est génial. Mais oui, parce qu'il coûtait tellement cher qu'a priori il était censé intéresser les gens de la haute finance quelque part. Évidemment, c'est pas du tout là que le truc va atterrir. En guise d'ordinateur, c'est une bête de combat configurable à satiété. Un ordinateur qui possède des connexions MIDI, chose qui s'était jamais vue avant et qui se verra jamais après. Bref, le truc est totalement équipé, tout de go, pour affronter le studio, la scène et tout ça avec effectivement un simple ordinateur posé sur ses genoux, les bien nommés laptops. Donc, Mark Fell et Mark Steele, qui sont, eux, des informaticiens hyper calés, hein, un peu comme les d'ailleurs, un petit peu avant eux, Hotecker, hein, qui eux, bah oui, sont un petit peu des apôtres avant tout le monde du glitch et de l'électronica, mais Hotecker, Simon, c'est le camp de Warp, bon, c'est un camp cousin, hein, surtout que les deux viennent de Sheffield, bon, quand même, Hotecker, eux, sont basés à Manchester, mais le label mère, évidemment, Warp. Warp est d'ailleurs, parmi les influences hein, totalement revendiquées de Mark Fell, c'est quelqu'un qui va grandir aux humeurs post-punk et new wave de sa ville locale, donc Sheffield, je le rappelle. Alors Sheffield, bah oui, quelques noms, bah, j'en donne deux, ils sont des phares tout seuls, c'est Cabaret Voltaire d'un côté, Human League de l'autre. Voilà, l'un inventant une techno-pop finalement tutélaire, et puis l'autre étant un des gros inventeurs de cette musique industrielle et volonté stridente, avant que finalement, quelques années plus tard, tout se mixe et se mélange à qui mieux. Mark Fell, et c'est plus de lui dont je parlerai, pardon pour Matt Steele, mais finalement il abandonnera la barque assez tôt, et Mark Fell s'y garde d'ailleurs pas par la suite le patronyme de SND, il en trouvera d'autres, et aujourd'hui c'est sous son propre nom qui navigue, donc c'est un petit peu lui quand même auprès de quel on fera plus référence aujourd'hui. C'est lui qui initie d'ailleurs le duo, il est DJ dans une radio locale, voilà, radio pirate, hein, comme le sont pas mal hein, en Angleterre à ce moment-là. Et en 1992, bah, il vient d'essuyer effectivement la grande vague Acid House, qui n'était pas seulement un mouvement musical, c'était une grande baffe sociale et hédoniste qui frappait l'Angleterre qu'on avait besoin à ce moment-là. Et donc, influencé par ça, vous allez voir que la musique de SND, elle en garde les codes. Mais alors, elle en garde les codes de manière, mais au sens même informatique du terme, elle en garde les codes de façon... On n'est même plus dans le minimalisme. On est dans une forme de restriction, d'éradication même de la substance pour garder que le sang, j'ai envie de dire. Et finalement, garder l'essentiel. Et alors, ça s'entend au niveau de la musique, mais ça se voit au niveau de la pochette, ça se voit même au niveau des titres. On ne peut pas faire plus sobre et plus austère même que les pochettes de SND. D'abord, il n'y a aucune information dessus. Quand je reçois ce disque, moi, en 2002, donc année de sa sortie... grâce et merci à eux, à IFA Records et Distribution, qui était extrêmement important dans la distribution de la musique indépendante et électronique en Allemagne à ce moment-là. Rien, tout juste un petit sticker quand même collé un petit peu sur le haut du disque, bon, un sticker transparent, mais quand même un sticker, hein, c'était quand même une concession que Marc Fell avait faite pour que apparaisse effectivement SND, voilà, c'est trois lettres, point barre, et le titre Tender Love. Ben voilà, il est temps que je lâche le titre du jour qui nous intéresse, Tender Love, tendre amour. Alors, est-ce qu'il y a de l'ironie dans ce titre ou pas? Sûrement un peu. Pas forcément beaucoup non plus. Alors, le disque, bah alors, il n'y a pas même de titre, hein, c'est juste de numéros. 1, 2, 3, 4, et ça continue jusqu'à 15. Et encore là, on a un peu de chance, parce que les deux disques précédents, c'est des numéros, mais alors, ils sont suite. Hein, 1243, 412, avec 3 W au milieu. Hein, c'est voilà. Donc avec ça, vous êtes sûr d'être référencé sur les radios, etc. Bon, on l'a compris, SND fait partie de ces groupes, mais qui, alors, s'abrite derrière multiples... C'est même plus des masques, quoi, si vous voulez. C'est le code sur le code. C'est effectivement aucun visuel, c'est pas d'apparition radiophonique, jamais d'interview. Voilà. Et cette austérité, bah, c'est pas juste une attitude, hein, c'est réellement un travail de fond. Et au profit d'une musique extrêmement intéressante, vous allez l'entendre tout à l'heure. Le code, c'est bien le maître mot de ce qu'on va suivre aujourd'hui. C'est un code qui décode les genres électroniques qui sont émancipés depuis les 10 dernières années précédentes. Hein. Évidemment, je citais avec la Seed House, mais même tout ce qui suit, même la Deep House, qui va être quelque chose qui va marquer profondément Marc Fell. Dans The Wire, au moment où paraît, cet album, qui est pour moi d'ailleurs le meilleur de SND, c'est le plus dompté, hein, c'est-à-dire c'est peut-être pas le plus glitch, mais en fait, en même temps, c'est celui qui l'est le plus, mais le glitch est un petit peu en retrait. Et il y a un article que c'est Dan Barrow qui parle du disque comme une collection de fragments de toutes les dance music, mais complètement arrachés de leur contexte, dépouillés jusqu'à leur plus simple logique. Jusqu'à ce que finalement chaque composant soit totalement sondé et réarrangé jusqu'à ce qu'il ait un sens provisoire. J'aime cette expression. Et sens qui sera celui que vous voulez bien finalement lui donner. Finalement, on va atteindre ici un point d'équilibre que j'ai rarement vu autant réussi à l'époque entre la dance music électronique et la musique strictement expérimentale. Et toujours distingué par ce style que j'évoquais, c'est-à-dire ultra épuré, une espèce de ligne claire, si vous voulez, rigoriste et minimaliste. Donc, ces jeux de procédés, ces jeux d'épuration, voire d'éradication de ce qui n'est pas essentiel, alors là, le mot est un peu fort, c'est des mots qui reviennent dans la bouche de Marc Fell lui-même. Lui, il parle de micro-temporal walks, donc des travaux, des exercices micro-temporels. Il y a un événement dans la vie de Marc Fell, et qui va d'ailleurs, ça va être plus qu'une influence, c'est un événement qui va finalement travailler spécialement à partir des années 2010, qui est un, et je viendrai plutôt là-dessus dans une deuxième partie de programme d'ailleurs, mais autant révéler tout de suite que Marc Fell va faire une expérience de mort imminente. À la suite d'un terrible accident de voiture, au volant de sa propre voiture. C'est pas lui qui est au volant d'ailleurs, c'est sa petite amie. Il percute de plein fouet un bus dans un canal de bus, quoi. Voilà, une voie de bus. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de victime, mais pour Marc Fell, effectivement, cette expérience de mort imminente, de coma profond. Et il est prouvé scientifiquement, et Marc Fell y réfère justement, C'est l'expérience de mort imminente, le near-death experience, est l'événement qui peut le plus bousculer la conception du temps chez un individu. Et toutes les études qui ont été faites auprès de gens effectivement, qui ont essuyé un traumatisme comme celui-là le montrent. Et cela, dans une intensité largement supérieure à celle qui peut exister aussi sur ce jeu de diffraction temporelle, soit dans une prise de psychotrope, soit dans une expérience mystique intense. Et donc, l'expérience de mort imminente, évidemment, vous met au-dessus de ça et dans une catégorie où le retour lui-même semble avoir changé la conception du temps de ceux qui ont vécu ce traumatisme. Cette anecdote, c'est plus qu'une anecdote, c'est un événement un peu vital dans dans la vie ou presque la non-vie de quelqu'un, ben ça va déterminer à peu près tout ce qui va se passer par la suite chez Marc Fahel, tant au niveau de sa musique, qui finalement, elle, vous allez voir, est finalement relativement préhensible, que au niveau de ses installations sonores, alors qui, elles, sont peut-être encore plus exigeantes, mais qui s'écoutent finalement en contexte et en concept. Avant de vous laisser dans ce disque-là, dont vous allez découvrir finalement une variation de motifs. Il n'y a 15 titres, mais c'est 15 titres, pourrait n'être que 3. Tout s'enchaîne de go. Et en fait, vous allez voir qu'on est souvent dans un enchaînement et des variations autour de quelques motifs. Et on a tout à fait le droit d'entendre ce titre comme un seul et unique morceau. Quand l'album sort en 2002, j'anime et je co-anime à l'époque avec mon ami Jean-Yves Leloup cette émission sur Radio FG le dimanche soir qu'on appelle Audio. Et 3 heures par semaine, hein, il y avait 2 heures de causerie, de disques de la semaine comme ça, et puis 1 heure de mix. Comme disque de la semaine, donc un disque dont on avait un morceau à chaque première heure de l'émission, je propose SND, ce disque, j'adorais d'emblée, j'avais déjà suivi le groupe, et on est tous d'accord pour en faire le disque de la semaine. Et puis, quant à l'émission commence à 19h, premier titre, tact de go, 20h, deuxième titre, et là, 20h, l'information que tout le monde suivait à ce moment-là, nous sommes au printemps 2002, premier tour de l'élection présidentielle en France, et cette nouvelle qui fait tomber de son siège tout auditeur et presque tout Français en âge ou pas de voter à ce moment-là, Le Pen perd, candidat et présent au deuxième tour des élections présidentielles de 2002. Bam ! Quand vous avez attrapé cette info-là, quasiment en direct, et que vous êtes à la radio, c'est difficile de faire un commentaire. Donc le commentaire, c'est SND qui l'a fait. C'est cette suite que vous allez entendre là, qu'on a ramassée sur 20 minutes, et probablement les plus minimalistes, j'ose le mot, les plus austères, pour peut-être porter le deuil d'une conscience qui venait d'en prendre quand même un sacré coup. Voilà. Alors c'est un lien et une affecte toute personnelle hein, que je mets sur ce titre-là, mais forcément il est rattaché à un événement là aussi un petit peu marquant. Bah aujourd'hui, mieux même que 20 minutes qui avaient été concentrées à la radio, ce que je vous offre, c'est la stricte totale de cet album assez extraordinaire, donc le troisième de SND sur le label 1000 Plateaux. Ça sort en 2002, je le répète, Tender Love. Et finalement, oui, j'en suis convaincu, il s'agit bien d'un disque d'amour. Thank you.

Thank you. finito. Ah, sacrée expérience quand même. Très très heureux d'avoir fait redécouvrir, ou même découvrir pour certains, SND, SND, qui a été, je pense, vraiment un groupe important de cette fin des années 90. Enfin, il s'articule vraiment sur ce pilier de la laptop music qui s'amorce donc au tout début des années 2000, mais ils sont là dès 98, je vous le disais. Et pour autant, ils ne vont pas disparaître, en fait. Mark Fell, lui, continue finalement des expériences assez, assez intéressantes. Alors, sous son propre nom, ou alors sous d'autres pseudos, mais alors en solo. On aura noté notamment sur Mego le projet Sunset Focus, et donc ça suit finalement immédiatement ce qui se passait sur Mille Plateaux. À noter une réactivation du side project de SND, parce qu'SND avait décidé de faire son contre-groupe avec exactement les mêmes personnages, hein, c'est-à-dire Mark Fell Mark Steele, pardon, et puis Fell. Et tout ça sous l'autre nom, Blia. Alors Blia, c'était vraiment édité à, je crois qu'il y avait 300 copies à chaque fois, des petits trucs. Projet de 1999, qui a dû connaître deux maxi, enfin même un album. Et ça, c'est récupéré par le label Raster Noton, bon, et qui lui aussi vient à la suite dans cette généalogie des grands labels Glitch, hein, si vous voulez, tout ça se tient. C'est ça qui est étonnant, c'est cette famille comme ça qui s'étend à l'infini. J'insistais sur le caractère hyper international du truc, mais si on prend un exemple extrêmement récent de ce qu'a fait Mark Fell, il était par exemple associé à Will Guthrie. Donc Will Guthrie, c'est un percussionniste australien, et ils ont fait deux disques ensemble. Ça, vous trouvez ça facilement sur Bandcamp, donc finalement ces trucs qui étaient rares à un moment, ils ne le sont plus maintenant. Puis là, c'est pour le peu, c'est un projet très récent. Et Mark Fell, plus Will Guthrie, plus Orem Ambarchi. Voilà. Si ce n'est pas de l'international, ça. J'en oublie. Après, c'est une forêt incroyable. Et justement, c'est intéressant de faire un petit peu son chemin dedans. Ce qui est intéressant à noter, c'est le positionnement. C'est vraiment le positionnement de Mark Fell. Et il s'en explique notamment dans un texte extrêmement intéressant qu'il a fait paraître sur Divergent Press, on trouve ça en ligne facilement, Patterns in Radical Spectra. Il poste ça en février 2015, donc divergencepress.net. Et justement, il s'explique sur... D'abord sur sa démarche, et ce qui va l'amener d'ailleurs à être maintenant dans des camps au-delà même de l'expérimental, mais sur les champs et les applications d'art sonore, sur des formes installées, etc. Mais il parle aussi de ce qui l'a nourri, et notamment de cette étiquette post-techno qui lui convient pas du tout, et en même temps, voilà, il y a des noms génériques comme ça qui s'imposent. Bon, on sait très bien que même si ça sert fondamentalement à étiqueter des labellisations dans les bacs des disquaires, en même temps, il faut bien donner quelques lumières aux auditeurs. Les hashtags qui remplissent les sites comme Discogs, etc., en disent long là-dessus. C'est-à-dire que chaque genre et son sous-genre a sa définition et sous-définition. Alors, concernant la post-techno, Mark Fell nous dit, comme beaucoup de mes pairs, le terme post-techno me met mal à l'aise. Malheureusement, la plupart d'entre nous conviennent qu'il existe très peu d'alternatives à ce mot-là. Ou alors, c'est des alternatives encore plus problématiques, c'est-à-dire l'IDM, Intelligent Dance Music. Donc ça suppose mettre un accent sur l'intellect, ce qui n'est absolument pas ce que revendiquent Mark Fell et ses pairs. EDM, alors pire encore, EDM, Electronic Dance Music. Il est tellement généraliste aujourd'hui que ça ne correspond à rien. Et pour le peu, j'ajouterais moi-même que ça peut correspondre, le cas échéant, à des musiques totalement crétines. Donc l'opposé de l'IDM. Mais là encore, c'est porter un sens et une affect intelligente ou pas sur une musique. Chose qui n'a pas lieu d'être dans la démarche de Mark Fell. Et à mon avis, dans la démarche de toute personne issue du glitch. Ce serait la même chose chez Otaker et la même chose chez Aphex Twin. Quoi. D'ailleurs, Mark Fell n'hésite pas même à casser le glitch lui-même, en affirmant que c'est une espèce de croyance maladroite sur le dysfonctionnement technologique. Donc, il décide d'inventer son propre terme. Et ses propres termes, c'est le UEMTWAA. Unusual, unusual, electronic music, typically without academic affiliation. Alors, je le répète en français, musique électronique inhabituelle, typiquement sans affiliation universitaire. Voilà. Donc, c'est en clair. Aujourd'hui, nous avons écouté de l'UEMTWAA. C'est simple quand même. Bon, alors, sinon, c'est pas encore marqué dans Discogs, ce truc-là. Mais faut être zélé et faire la promotion de ça. Et puis, bien sûr, bah, derrière cette définition-là, entendre clairement ce qui se dit là. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien dans une musique électronique inhabituelle. On est dans des schémas, finalement, qui cassent les codes, quand même, ils servent des codes. On l'a vu extrêmement bien avec cet album Tender Love de 2002, donc de SND, mais sans affiliation universitaire. Et à Mark Feld de jouer finalement des deux tableaux, parce que quand il se fend d'un texte qui fait quand même une quinzaine de pages, hein, comme celui dont je cite un petit peu en exergue cette définition et cette manière d'en finir avec la post-techno, Mark Feld va très très loin finalement. Et finalement, mériterait d'être universitaire, quand même, il ne souhaite pas l'être. C'est quelqu'un qui va citer volontiers Laurie Spiegel, par exemple. C'est une compositrice qui est essentielle dans le développement de la musique électronique. C'est quelqu'un qui fabriquait en laboratoire. Il y a eu très peu de scènes pour quelqu'un comme Laurie Spiegel. Mais c'est quelqu'un qui a constamment fait référence à des musiques avec des changements très très lents, où la densité pouvait disparaître finalement. Laurie Spiegel disait que l'oreille devient de plus en plus sensible à des choses de plus en plus subtiles. Donc retour à cet ascétisme, si vous voulez, revendiqué, et puis cette politique d'une espèce d'ultra-minimalisme, si vous voulez, qui reviendrait pratiquement au silence. Remarquez que dans cet album, il pouvait aussi y avoir des formes de silence habité. Il y a un détachement comme ça des notes qui est extrêmement rare. L'expérience de mort imminente que j'évoquais tout à l'heure, donc, a été déterminante dans l'expérience de vie de Mark Feld, et a fortiori dans son expérience artistique, l'a mené à créer une installation, The Moment of Impact, le moment de l'impact, installation créée en 2014. Alors quant au moment de l'impact, ben oui, c'est cet impact d'un crash de voiture qui va quand même rencontrer... un bus dans un couloir bus, quoi, dans le nord de l'Angleterre, et tout ça à vive allure. Donc, je rappelle hein, que ça a été, sans être ultra dramatique, parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de victimes, en tout cas pas de morts, il y a eu cette expérience très forte. Donc ça inspire à Mark Feld un travail, mais aussi toute une série de travaux gigognes, et, où finalement il pose comme ça la question, un, de la disparition, et plus encore, la question de la perception du temps, la perception de la durée. Et pour ce faire, parce que narrant sa propre expérience, justement, Mark Feld avait de cesse que de lier ça avec des recherches, justement, universitaires. Et alors, totalement hors des champs de la musique, si vous voulez, sur ces expériences de perception modifiées qui sont dues à un choc. Et ça, c'est pas dû juste au moment où, quand on sort du choc, c'est aussi des perceptions qui sont modifiées par la suite, quoi. Ça a inspiré à... un travail qui suit... Alors, c'est très difficile hein, d'être... on peut pas... Il y a pléthore d'alias et de créations qui sont lâchées par Mark Feld, où chacune renvoie plus ou moins à l'autre, mais sans que ce soit non plus strictement déterminé, strictement affilié. Donc, on va se quitter avec un travail qui s'appelle, et qui fait référence, pour le peu, à des expériences, justement, de perception modifiée, Shamanic Bear Session. Donc les sessions de l'ours chamanique. Bah, et aussi un peu de dérision, grossement d'ailleurs, il y a de l'humour. Et donc bah, derrière cet ours chamanique se cache en fait la transposition d'un autre travail précédent qui s'appelait Shamanic and Narrative Song of Siberian Arctic. Donc chamanisme et Sibérie arctique, mélangé du profit de... au profit de la perception de l'ours supposé résident de ces terres arctiques. Ce travail il a été fait pour une personne. Il y a a priori à un seul CD, mais il y en a des versions numériques. Mais au départ, c'était fait pour un seul CD, pour un auditeur et un fan japonais qui était en conversation avec Mark Feld. Et Robert Simon, il a fait cette espèce de remix, si vous voulez, à la fois... sur la musique et à la fois sur les idées qui étaient contingentes à la discussion qu'il avait pu avoir et qui touchait donc pleinement cette perception sur le temps que j'évoque là maintenant. Alors ça peut paraître complexe, mais finalement c'est une proposition assez simple. Et ça a servi de tapis à une installation sonore. Alors je vous propose de rentrer dedans. C'est quelque chose de... Bah, je pense qu'il n'y a que Pinot qui pourra accepter un son comme celui-là, parce qu'il n'y a pas plus anti-radiophonique que ça. Donc, quand c'est anti-radiophonique, c'est donc Pinot. Donc c'est forcément un truc qui va mettre en émoi AY et Julidesque. Voilà, si, ne serait-ce que mettre en émoi ces deux personnes-là qui vont danser derrière leur poste, me met moi aussi en joie. Mais il est probable qu'aussi ça en intéresse d'autres. Après, voilà, on est dans quelque chose qui est à parfait au revoir, mais qui ne plaira pas à votre belle-mère ou à votre tonton chasseur. C'est très chouette d'avoir partagé ces moments-là avec vous. On se quittera donc sur ça. Autant le dire tout de suite, la semaine prochaine, on va mettre la barre encore plus haute dans cette échelle de la trance. Et on parlera ni plus ni moins de Marianne Zazila et Lamonte Young jouant et rendant hommage aux tambouras du Pandi Pranat. Ouais, rien que ça. À la semaine prochaine sur Cargocul. D'ici là, bonne cueillette aux champignons. Merci de votre écoute.